pourquoi le professeur Talamas fut fessé en plein cours. L'actualité du monde universitaire a été secouée récemment par plusieurs affaires de violence. Ce fut le cas à la faculté de droit de Montpellier en mars 2018 et à Sciences Po Grenoble en 2021. En novembre 2022, sous la pression d'un petit nombre d'activistes, la mairie de Paris préféra annuler un colloque scientifique. Ces violences physiques ou verbales sont souvent présentées dans les médias comme un phénomène nouveau. Mais en réalité, il y a plus d'un siècle que l'université française est devenue une chambre d'écho des tensions qui traversent notre société. C'est un phénomène qui est apparu dès les débuts de la Troisième République, au moment où a été adoptée la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur. L'exemple le plus significatif de ce type de violence dans le monde étudiant de l'époque est sans doute l'affaire Talamas. En 1904, dans un contexte politique exacerbé par l'affaire Dreyfus, Amédée Talamas, professeur au lycée Condorcet de Paris, avait publié un livre intitulé « Jeanne d'Arc, l'histoire et la légende » dans lequel il affirmait que l'héroïne, qui prétendait entendre des voix, avait été en proie à des hallucinations auditives. Il présenta cette thèse à ses élèves de seconde dans un cours sur Jeanne d'Arc. Georges Berry, député nationaliste de Paris, dénonça ses propos comme une insulte à la mémoire de la sainte, ce qui alimenta une formidable polémique dans la presse et dans l'arène politique. Paul Déroulèdes, le chef de file du camp nationaliste, s'en prit nommément à Jaurès. « Je vous tiens à vous, monsieur Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger. » Piqué au vif, le leader socialiste provoqua son adversaire en duel. L'affrontement eut lieu le 6 décembre 1904 à Hendaye, sans faire de victime. Si vous voulez comprendre concrètement ce qui sépare cette époque de la nôtre, imaginez, chers auditeurs, que Jean-Michel Blanquer et Jean-Luc Mélenchon se soient affrontés à propos de l'islamo-gauchisme à coups de pistolet. Le ministre de l'Instruction publique de l'époque adressa un blâme à Talamas pour avoir manqué de tact et de mesure, et ce dernier fut muté au lycée Charlemagne. Mais le camp laïque, n'ayant pas désarmé, 4 ans plus tard, Talamas fut nommé à la Sorbonne pour tenir un cours libre et hebdomadaire sur la pédagogie de l'histoire. Les étudiants, membres d'un groupuscule monarchiste qui s'appelait les Camelots du roi, s'acharnèrent alors contre le pauvre professeur. Lors de chaque séance, il était couvert d'insultes et d'œufs pourris. Talamas subit aussi des violences physiques. Après avoir reçu quelques gifles, il fut humilié en public par le chef de cette petite bande d'extrême droite qui lui administra une fessée. Le cours ayant lieu le mercredi, chaque semaine, la Sorbonne fut en état de siège. Les bagarres entre étudiants royalistes et républicains se multiplièrent dans tout le quartier latin jusqu'à l'arrêt du cours en février 1909. Parce qu'il défendait les principes de la laïcité, ce professeur fut ainsi la cible du combat politique que le camp conservateur menait alors contre la nouvelle Sorbonne et contre les sciences sociales accusées d'endoctriner la jeunesse de France.